X. Ax, ex, ix, ox, ux. Examen. X. Ax, ex, ix, ox, ux. Examen. X. Ax, ex, ix, ox, ux. Examen.